Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. En ce jeudi 25 juillet, si proche du 21, fête nationale, eh bien le thème de cet épisode nous est apparu de façon assez claire. Il fallait parler de Belgique, de chanteurs belges, de musiciens belges, bref, de l'esprit belge. Je laisse les snuls vous expliquer tout ça. Ils le feront bien mieux que moi. Chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef. Je suis là. Ah, madame ici prétend qu'elle s'appelle Fatima Abdel Martouf. Vous êtes mariée, madame? Concubine. Et avec qui? Klaus Toumé. Bon, tu notes, hein, Toumé, Klaus. Vous êtes domicilié, hein? Ostend. Ostend? Donc, il vient d'Ostend? C'est-à-dire qu'il vient d'Ostend, mais il n'est pas là. Et vous venez aussi d'Ostend? Ouais, c'est ça. Donc, vous venez d'Ostend sans Klaus Toumé? D'Ostend sans. D'Ostend sans. D'Ostend sans Klaus Toumé? D'Ostend! Vous êtes police ou quoi? Je peux avoir un autographe? Hey! Ha! Hey! Ha! Hey! Ha! Hey! La jungle sur Radio Panique pour débuter en force, en puissance ce Memento. Arthur, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben c'est comme il faut. Je trouve que voilà, le nom de la chanson s'appelle Hey Ha Hey Ha, comme vous l'auriez peut-être pu le deviner. Et bien c'était la jungle, donc groupe montois très très très balèze, tout à fait en instrumental, guitare, batterie, et puis des samples et des loops qui tournent et qui se transforment au fur et à mesure du morceau. Je les ai vus ce week-end, j'ai eu la chance de les voir ce week-end à Mons, justement, dans le jardin du Beffroi, c'est-à-dire dans le point culminant de Mons, avec cette jolie tour qui trône sur toute la région. Et c'était extrêmement balèze, c'est techniquement hyper carré. C'est super fort, c'est vraiment hyper impressionnant. Je pense que c'est un groupe plus intéressant en live qu'en studio. C'est en tout cas plus prenant, je trouve, en live. Et c'est absolument ouf. En tout cas, ça réveille. Bon début d'émission, c'est un peu la puissance pure. Voilà. Ça résume bien l'état de notre t-shirt aussi, un peu voilà. Bordélique comme ça, mais bien carré. Après, un peu de douceur quand même, un peu de voix aussi, on va en parler. Juste avant, une petite parenthèse sur les SNUL, le petit extrait qu'on a entendu en intro de l'émission. Ils ont fêté leurs 30 ans de carrière, autant dire qu'on ne les a pas connus au début de la leur, tiens. Pas du tout même, mais on trouvait ça sympa, avec une Laurence Bibeau. Bien en forme. Bien en forme, exactement. Bien jeune. Bien jeune, toujours à la maîtrise des accents belges, irréprochable pour commencer l'émission. Et là, un peu de douceur donc, on passe de l'autre côté de la frontière linguistique à Gand, et vous allez voir que il y aura quelques artistes durant l'émission qui viennent de Gand. Ce sera un peu le contraire des artistes wallons. Je pense que la jungle était le seul ou un des rares de l'émission. Ouais. On ne l'a pas fait exprès, promis. Là, le groupe qu'on va s'écouter s'appelle Sioun. On va écouter Crazin. Ça date déjà de 2003. Got to feel all holy Crazing Soon sur Radio Panique, le Memento, 20h42, toujours aussi chaud, toujours aussi beau dans ce studio. Pardon, excuse-moi, si j'allume pas ton micro, on ne t'entendra pas. Toujours aussi belge. Toujours aussi belge, donc, de Gand. Alors, on l'a dit juste avant, des artistes de Gand, il y en a beaucoup, un peu par hasard dans cette playlist, vous allez le voir. Et de manière générale aussi, on a quelque chose avec la musique de Gand. On a quelque chose avec la musique de Gand, c'est un peu comme Liège, il y a certaines années, où il y avait toute une kyrielle de groupes qui venaient de Liège, bah, Bruxelles forcément, mais c'est la capitale, c'est un peu normal, bon, même si Liège est quand même une grosse ville, donc c'est normal qu'il y ait pas mal de groupes qui viennent. Oui. Mais c'est vrai que Gand, je me suis un peu forcé, parce qu'un de mes groupes préférés, Balthazar, pour pas le citer, viennent de Gand. Je me suis un petit peu forcé à pas en mettre aujourd'hui dans la playlist. Et tous les side projects qu'on a déjà passés. Tous les side projects qu'on a passés, repassés dans ce Memento. Donc on s'est un petit peu bridé sur le Balthazar en tout cas, mais pas sur les artistes de Gand. Vous allez le voir. Avant de passer aux artistes de Gand, on va peut-être s'écouter un peu de francophone. Oui, un peu de francophone. Du rap maintenant, c'est glauque. Ça s'appelle Plan, exactement. Et il y a déjà la musique qui monte, là ? Ouais, ça monte tout doucement, mais on a encore un petit peu de timing. Alors, j'ai un petit peu de timing pour vous dire que Glock, c'est un peu le O2N belge. Donc, c'est des grosses instrus, plutôt avec des grosses synthés, des choses qui tapent un peu. Mais c'est pas du rap gangsta français des quartiers nord de Marseille, quoi. Et ça marche pour pas mal pour eux. Et des instrus très, très fortes. Et je vais laisser les... Ouais. Ouais, allez. Ouais. Réveille-toi, regarde devant toi, quel désastre. Des projets morts dans l'œuf. Avant t'avais une meuf, pas ce regard évasif. Ces pupilles dilatées, une vie végétative en un mouvement, on pourrait t'effacer. Tu peux pas dépasser en voyant pas la route, sans savoir où tu te couches. Tu vis en boucle en cage, arrête ces trash qui te poussent à rapprocher la fin. Et maintenant écoute. Plan. La vie c'est un crash test, y'a personne pour le dire car on est tous casse-cou. Et si les gens détestent, détestent-les en retour. Tu gagneras du temps, personne viendra en secours. Bref, suis plus mon chemin mais suis bien mes conseils. Je serai pas très loin quand t'auras des problèmes. Rends-toi compte que tu chancelles quand tu troques. Rends-toi compte de ta chance quand elle est dans une robe. T'attends le temps d'attente. T'attends le temps d'attendre quelque chose qui pourra te mener à l'exode. Tu vises la lune puis t'as le flingue sur la tempe. Seul dans l'abîme y'a que la brume qui t'attend. T'entends la voix de la tentation en latence. Substance achetée au noir en guise de vacances. Tu sais même plus si t'as rêvé de mieux. Ça commence juste par une fois ou deux. Plan. Acheter, t'achètes pour survivre, tu gardes les sachets en guise de souvenir. Ça ne peut te lasser, une vie enlacée dans les bras d'une dame blanche, un peu de cash à blanchir. Guette le temps qui passe, guette le temps qui passe. Entre deux défonces, guette le temps qui passe. Entre les deux mondes, y'a que le temps qui passe. Tu prends sur toi et tu prends surtout toutes les drogues. Dans la descente, une entrave qui te force à trouver d'autres méthodes. D'autres médocs, d'autres y sont passés. Personne n'échappe au trépas, personne ne clique le code. Écoute le médecin, il recommande Camel. Rien t'est prescrit sur ton front, des coups de perle. Quand t'allumes, tu t'éteins. Pour une vulgaire lamelle, tu perds l'esprit. Les mains tendent envers le ciel plein. We'll be right back. $10 on the six strings, making a dream up in overseas. Watching you bending over me, who's gonna straight out all the wrongs? Who's gonna fix up all the bits? Then the life story will become his songs. Skimpy as men right in the street, a bloody if or greater us. Another slogan to erase yourself. End of the show we'll be standing up. Nothing breaks me, I go rise up. Nothing breaks me, I go rise up. She's moving slowly, yeah, like hypnotizer. We gonna move it. We gonna move it. Look at the mind. We gonna move it. We gonna move it. We're ruling our lives. They do criticize why they don't understand. Why they don't understand. They do fantasize on everything they wanna have. Every day got a new battle, every day got a new reason to show my strength to my people. You can see I have no rivals, you can see I want no title. Left and up, I swear on the Bible. For every time I hurt you, I will pay for. If we could have no pain, yeah, I won't mind the price. If we could have no pain, yeah, I swear on my name, yeah, I swear on my name. We gonna rule it. Look at your mind. We gonna rule it. We gonna rule it. We're ruling our lives. We gonna rule it. We gonna rule it. Look at your mind. We gonna rule it. We gonna rule it. We're ruling our lives. I'll be always doing whatever I please. Never in trying, I got cream to trace. Flying in space, a last on the blaze. I'm the only one left, even though wounded the earth has a chance, yeah. Still one of the best, yeah. I'll be always doing whatever I please. Never in trying, I got cream to trace. Flying in space, less than no blaze. I'm the only one left, even though only the earth has a chance, yeah. See one on the brass, yeah. Oh my, so dad. Groupe bruxellois qui suivait les Namurois de Glauque. Groupe bruxellois, mais qui sonne, vous l'aurez bien entendu, un peu londonien, parce que Junior, le chanteur et un peu fondateur du groupe, a passé 3 ans à Londres. Il est revenu avec ce petit accent pas dégueulasse, avec ce rap presque grime, qui est le rap anglais. Et tout ça pour faire un mélange avec ses copains, un mélange de jazz, d'électro, parfois des rythmes bizarres, des choses comme ça. C'est toujours pas mal foutu, c'est assez technique et ils sont vachement intéressants. Moi j'aimais bien la petite cohabitation entre cet univers un petit peu hip-hop, forcément le rap en anglais, et puis cette batterie bien flat, ouais. Un peu de studio qu'on pourrait retrouver dans du rock ou dans la pop, peu importe. Je trouvais que ça cohabitait vachement bien. On a fait un petit peu tous les styles avec ton musicien, un peu de jazz, un peu de hip-hop. On va continuer, on va rester un petit peu dans la pop, si on peut le définir comme ça. Je trouve que le mot est toujours un peu réducteur pour certains titres aussi. Là, ça tombe bien en fait. C'est un peu un tir groupé parce que j'hésitais entre deux groupes, Montevideo et Intergalactic Lovers. Et là, l'avantage, c'est que en fait, ils ont fait un duo. En tout cas, la chanteuse Lara Chedraoui et le groupe Montevideo ont fait un petit duo pour le titre Fate and Glory. Montevideo, un groupe de Bruxelles. On restera dans la pop juste après. Un petit détour à Gand avec Das Pop. Mais là, je vous laisse en compagnie de Montevideo et de Lara Chedraoui. Tonight I won't sit on that chair. Les Gantois de Das Pop avec The Game et leur clip tout en couleur. Allez voir ça sur YouTube, c'est très très sympa. Alors c'était une discussion qu'on avait en off avec Nico, mais de se dire que Au niveau belge, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a une variété, pour un si petit pays, on a une variété de styles. Autant le rap marche très bien en ce moment, il y a eu le rock il y a une dizaine d'années, le rock francophone, enfin, qui chantait en anglais, mais qui était issu du côté francophone de la Belgique. On a une variété dingue, on est reconnu pour l'électro et tout ça, mais on a aussi fait de la soul. C'est un peu vite dit parce c'est que un peu la, vite dit. La, non mais de la soul, j'ai l'impression qu'il ne reste un peu que le titre du groupe, même si bon, il y a peut-être un petit côté un petit peu soul dans le rythme et dans les paroles, mais ça pourrait être aussi un groupe anglais. On se disait un petit peu que bah oui, il y a beaucoup de variétés dans les groupes belges, mais il manque peut-être de cette identité belge dans la chanson. Ouais. Tant au niveau de l'humour, c'est incontestable. Eh ben, là, on a une identité belge indéniable. C'est vrai que dans le niveau de musique, est-ce qu'il y a vraiment un style musical qui peut définir, à part bah, ce melting pot de style, justement, qui fait un petit peu la richesse de ce qu'on propose? Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal d'identifier un style musical, ou en tout cas une identité belge musicale. Il est 21h sur Radio Panique. L'église de Saint-Jean vous le fait savoir. On vous ment pas, on est en direct. Là, en tout cas, s'il y avait besoin d'une preuve, ça l'est, ça y est, elle est là. Bref, revenons au Soul Sister, The Way to Your Heart. Je l'ai un peu labellisé dans ces groupes belges dont on ne soupçonne pas la belgitude, en fait. Exactement. On peut vite oublier que c'est des Belges, vous allez l'entendre tout de suite. Le titre vous dira sans doute quelque chose, mais de là à savoir que c'est des Belges, on l'oublie souvent. To what I've been seeing. Facing Part 1, c'était Commander Spoon, juste avant Soul Sister qu'on écoutait, un groupe belge donc, avec une durée d'existence de 9 ans je pense, ça peut paraître court mais vous allez voir que dans la suite de l'émission il y a un autre groupe belge qui a encore fait plus fort, je vous le dis pas plus. Alors Commander Spoon, c'est toi qui l'as ajouté dans la playlist de l'émission Arthur, parce que tu les as vus très récemment, et pas que vus d'ailleurs, t'as fait un petit peu plus que ça. Voilà, j'ai eu le plaisir de les suivre pour faire un petit podcast sur eux, j'en parlerai dans un prochain épisode quand j'aurai un peu avancé dans le montage. Mais en gros, oui, j'ai suivi Commander Spoon à Dour parce que je trouve que c'est un groupe de jazz bruxellois qui est très très fort. Donc c'est un quartet, donc guitare, basse, batterie et saxophone, instrumental. Ils sont clairement dans le jazz, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils m'ont expliqué que pour le live, en gros, ils avaient des points de contact, c'est-à-dire en gros, ils ont un squelette, ils ont une structure des morceaux de base et à certains moments, ils se retrouvent. Ils savent qu'il y a des séquences où ils jouent ensemble, il y a des choses préparées. Et puis en fait, entre ces points de contact, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. C'est de l'improvisation. C'est là où le fait d'être musicien de jazz permet de faire des choses techniquement très très fortes. Et ils sont très très sympas, ils sont très chouettes, ils sont très très détendus. Pour eux, en live, c'est très important d'être groupé sur scène pour vraiment avoir quelque chose de très organique, de vraiment un bloc. Il y a même pas, ils m'expliquaient qu'il y avait même pas de leader sur scène. C'est vraiment quelque chose qui se fait ensemble. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont très ouverts. C'est pas du jazz pur, hyper fermé. D'ailleurs, ils s'appellent jazz et ils refusent de mettre une autre étiquette plus précise dans le jazz parce que ils veulent pas être dans ce côté parfois du jazz qui peut être un peu élitiste, un peu on fait un style de jazz et le reste c'est pas bien. Eux, ils sont hyper ouverts, ils vont chercher dans l'électro, ils vont chercher dans le hip-hop. D'ailleurs, le batteur de Commander Spoon, c'est aussi le batteur de Romeo Elvis quand même. C'est Sammy Wallens. Et voilà, c'est une bande de musiciens qui sont très très forts et qui ont ouvert la petite maison dans la prairie le dimanche de Dour, et c'était vraiment très très chouette. Ils ont sorti 3 EP et l'album est en préparation apparemment. La suite, ce sera Martha Darrow avec son Summer Blues. Elle, c'est un peu la nouvelle voix de la pop hip-hop bruxelloise, très reconnaissable, tout en douceur, très très très aiguë, nasale comme ça, mais de façon assez bien chouette. Et donc Summer Blues, eh bien ça va bien avec ce temps. Eight seasons, two winters, one summer time flies. When you having fun, you had me, I felt they fell for with guess what? Suddenly I'm not the one. What am I supposed to do? My heart still belongs to you. And first it was crying, then realizing no time for crying. Mama, I got hit by the summer blues. Je me réveille, j'ai les summer blues. Je bois mon café, je fume ma cigarette. Une, deux, parfois même plus que ça. Parfois même plus que ça. Je me réveille. Minuit, je sors du taf. 1 heure, je fais le taf. 3 heures, toujours dans le studio, en train de faire le taf. Minuit, je sors du taf. 1 heure, je fais le taf. 3 heures, toujours dans le studio, en train de faire le taf. Midi, je me réveille. J'ai fait une prod la veille. Je vais la séquestrer dans la cave et faire un enfant avec. Wow, fini, faut que je me réveille. J'ai fait de grandes choses dans mon sommeil. Wow, c'est l'heure de faire le cash. Et pour faire le cash, il faut faire le taf. J'écoute pas les gens, j'écoute mes frères. J'entends les leçons mais ne les applique pas. Ah, tu veux la gloire, tu veux ses pères. Faut taffer du lundi au samedi soir. Pas de repos, pas de répit. Après le repas, je serai repu. J'irai faire la sieste loin d'ici. M'endormir loin de tout ce qui m'a déçu. Fuck les gens qui trompent les gens. Fuck ceux qui les ont éduqués, qui les ont rendus méchants. Fuck les gens qui trompent les gens. Fuck ceux qui les ont éduqués, qui les ont rendus méchants. Cash, la monnaie faut qu'on en fasse. La monnaie faut qu'on en fasse, qu'on se casse loin de tout. Mais sans taf y'a rien du tout, non, non. Restauration j'ai goûté, salaire de merde j'ai goûté. Travailler toute la journée, puis sortir en ville tout dépenser. Du taf, 1 heure je fais le taf, 3 heures toujours dans le studio en train de faire le taf. Minuit sort du taf, 1 heure je fais le taf, 3 heures toujours dans le studio en train de faire le taf. Minuit sort du taf, 1 heure je fais le taf, 3 heures toujours dans le studio en train de faire le taf. Minuit sort du taf, 1 heure je fais le taf, 3 heures toujours dans le studio en train de faire le taf. Pete et son taffispute, Pete du groupe du 7-7. Je trouvais que c'était une belle illustration de ce qui se passe dans le rap belge en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des gros noms comme Romeo Elvis et des choses comme ça, Hamza, Damso, qui marchent très très bien commercialement. Et en fait, le succès de ces choses-là plus populaires permet à des plus petits groupes, un peu plus barrés, un peu plus compliqués à écouter, eh bien d'avoir un peu de visibilité eux aussi. Et c'est le cas du 7-7 dont fait partie Pete. Là, c'était un morceau en solo, mais voilà, avec leur groupe, c'est plus barré que ce qu'on vient d'écouter. Même leur visuel est très poussé, on est très dans le délire des années 80. Ils ont fait une pub en mode Action Man, mais pour faire de la promo pour leur prochain album, je crois. Et voilà, c'est complètement barré, c'est dans des délires complètement fous. Et c'est hyper intéressant, et c'est montré aussi que le rap belge peut être dans une diversité assez balèze. La suite, ça va être quelque chose, une histoire encore à Gand. Tout à fait, exactement. J'aime beaucoup le rap, j'aime vraiment beaucoup le rap, mais j'aime aussi beaucoup le rock. Et c'est un petit peu mon leitmotiv dans ces émissions Memento. Promis, je le fais pas exprès. mais il m'arrive d'écouter Classique 21 quand je rentre du boulot. Et c'est d'ailleurs sur Classique 21 que j'ai découvert ce groupe de gants Shapeshifted. Je n'ai pas trouvé le titre que j'avais bien aimé à l'antenne, mais j'en ai trouvé d'autres que j'ai aussi beaucoup bien aimé, dont celui-là, If You Got a Problem. Alors, de gants, oui, certes, mais... ça sonne un peu anglais. Un petit peu anglais, même un petit peu Rolling Stone, pour être encore un petit peu plus précis. Bah, c'est-à-dire que dans l'instrumentation, c'est très Rolling Stones, dans le chant, c'est très Rolling Stones, et dans les accords, c'est un peu Rolling Stone aussi. Exactement. Bah, je vous laisse juger, mais en tout cas, ça marche, c'est efficace et ça a l'air de plaire. Les Rolling Stones gantois, comme vous avez pu l'entendre, c'est efficace, ça marche très très bien. Tout à fait, Shapeshifted, If You Got a Problem. On passe du rock, on va rester encore un petit peu dans le rock, mais c'est un petit peu, quand on l'a écouté juste avant le début de l'émission, le Arnaud flamand. Enfin, je ne sais pas si on le définit comme ça dans le milieu de la musique, mais en tout cas, c'est ce qui nous a sauté aux oreilles, avec un titre bien flamand, vous allez voir un accent... qui fait frissonner tous les néerlandophones de Belgique, je pense, en tout cas. Après, si je puis me permettre, le Arnaud flamand, il y a quelque part un petit... Il y a quelque part quelque chose qui cloche, parce qu'il l'est lui-même en tout cas, mais c'est vrai qu'on on le voit plus en tout cas dans le paysage médiatique francophone que Raymond Van Hut Groenewoud. Je ne l'entendais, je ne l'avais jamais entendu de ma vie, mais vous allez voir son titre Meisjes, la façon dont il prononce Meisjes, c'est incroyable. On sent tout ce qu'il en pense. Surtout qu'en fait, il est scarbécois, je voulais que je m'en rappelle. Le titre Meisjes qui fait un petit peu ode à la femme, mais version années 80, un petit peu simpliste, on est très dans le paraître et dans le physique. Pour les bilingues d'entre vous, vous allez le remarquer, et puis pour les autres, profitez juste de son accent flamand. Qu'on entend encore derrière moi de Raymond Van Hut Groenewoud, formidable accent, on a vraiment presque l'impression littéralement qu'il vomit dans son micro en disant Meisjes à maintes reprises dans cette chanson, et il y en a encore hein, parce qu'on est qu'à la moitié de la chanson, elle dure presque 5 minutes, mais on a voulu encore vous passer quelques autres musiques d'ici la fin de l'émission qui approche à grands pas vu qu'on est presque au bout de notre cuisson basse température. Si on était des rips, ouais, on serait parfait. Basse température, je ne sais pas. Pour parler toujours des groupes belges, c'est pas pourquoi je parle comme ça. Eh bien, il y en a qui ont été enregistrés en 69 à Abbey Road, oui monsieur, et ça s'appelle Wallace Collection. Peut-être le nom ne vous dit rien, mais en vrai, leur morceau vous dit quelque chose, Nicolas. Il y a une influence en plus. Il y a une méga influence, puisque tu l'as dit, ils l'ont enregistré en 69 à Abbey Road, studio des Beatles. Vous allez le reconnaître, il y a un peu cette patte des années 60-70, avec des cordes en plus qui viennent s'ajouter aux couches de la musique un petit peu pop de l'époque. Wallace Collection, Daydream, c'est le titre de cette chanson que je pense absolument tout le monde a au moins entendu une fois dans sa vie. En tout cas, on est plus nombreux à l'avoir entendu qu'à savoir que c'est un groupe belge. Exactement. Et je vous parlais tout à l'heure d'un groupe qui avait 9 ans d'existence. Eh bien, c'est eux qui ont fait encore plus fort, puisque ce titre, Daydream, il date de 69, date à laquelle le groupe a été créé. Et ils ont tenu à peu près 2 ans, vu qu'en 71, caput. Ils ont réessayé quelques dizaines d'années plus tard de reformer le groupe, mais sans succès. En plus d'être un hit mondial, ce titre Daydream. Il pioche des petites inspirations à gauche, à droite, on l'a dit, des Beatles, mais aussi du classique. Ça, c'était peut-être un petit peu plus étonnant. En tout cas, je ne le savais pas, moi. Un petit gimmick du lac des cygnes dans la scène 14. Je l'ai devant les yeux, donc c'est très facile à dire et à sortir comme ça. En tout cas, c'est le grand final du lac des cygnes de Tchaïkovski. Et je vais d'abord vous passer un petit extrait. On va essayer de faire les choses correctement. Un petit extrait du lac des cygnes. Et après, vous allez écouter Wallace Collection Daydream, et c'est dans le refrain qu'il faudra essayer de remettre cette mélodie de Tchaïkovski dans vos oreilles. On l'écoute. Thank you. cette magnifique basse des Wallace Collection et leur Daydream enregistrée à Abbey Road. Eh bien, je n'eus jamais fait cette émission sur la Belgique. Je n'eus jamais su qu'ils étaient belges. Merci Nicolas. De rien, enfin, en tout cas c'est Internet qui me l'a appris, hein. je n'ai rien inventé tout seul. Mais en tout cas, si on revenait sur l'identité de la musique belge tout à l'heure, et tu as fait une chouette analogie, cette petite basse, cette petite descente de basse, elle nous rappelait aussi un groupe belge qu'on n'a pas eu le plaisir ou le temps de placer dans l'émission, c'est Overphonic quand même. Oui. Mad About You, c'est un petit peu le même concept de cette petite ligne de basse, hein. Qu'elle a été revue dans d'autres titres, hein. Je pense à Portishead. Glory Box aussi, c'est un peu le même mécanisme, mais toujours efficace, hein, genre la de même basse, descente c'est de basse, hein. Toujours. Ça marche toujours très bien. Bref, on se rend compte, si c'est un peu la conclusion de l'émission, qu'une heure pour vous parler de la musique belge, au final, même s'il n'y a pas d'identité précise, c'est un peu trop court. C'est complètement trop court, parce qu'on aurait pu, parler du renouveau du hip-hop et du rap en Belgique. On aurait pu, on a nié une grande partie de la scène actuelle belge. On en est bien conscient. On n'allait pas passer du Angèle non plus. C'est pas le but. Mais par contre, en termes de craquage pop, pour conclure... Alors, je pense qu'on va les Wallons vont nous haïr, parce qu'il y a une mine et une masse de bons groupes Wallons, oui, qu'on n'a pas du tout diffusé pendant une heure, mais on a trouvé une petite place pour le dernier titre qu'on va vous passer aujourd'hui. En fait, c'était un hommage à Tim, s'il nous écoute, c'est un hommage à toi. Puisque j'avoue que la dernière fois qu'il est venu à l'équipe, dans l'émission Memento, pour diffuser ses musiques, il met un petit coup de vent frais dans la programmation. Avec des petits guilty pleasures, des petits plaisirs coupables, des petites choses comme ça qu'on a écoutées il y a longtemps et qu'on se dit « Ah tiens, en vrai c'est craqué, mais en vrai c'est bien. » En vrai c'est bien, j'irais pas dire que c'est mon guilty pleasure à moi, en tout cas j'essaie de m'en défendre. Le dernier petit morceau qu'on va vous passer avant de se quitter, c'est Kate Ryan. Alors moi aussi, j'avais complètement oublié qu'elle était belge. En même temps, c'est peut-être compréhensible, hein, parce que les titres qui l'ont fait connaître sont des reprises. Là pour le coup, ce sera de Désenchanté de Mylène Farmer. Elle a fait des reprises de France Gall avec Désirless. Il y a des titres, je les vois, Voyage qu'elle reprend. Donc là on va s'écouter Désenchanté, une petite reprise électro-baraki techno de Mylène Farmer. On va se laisser là-dessus et on ne l'assume pas, vu qu'on ne reparlera pas après, vu que c'est là-dessus qu'on se dit au revoir. On se donne rendez-vous, Arthur, dans un mois exactement. Quatrième jeudi du mois, juste après Bruxelles m'habite, ça c'est une habitude, et juste avant réserve d'un. Tout à fait. Bonne soirée à vous. Bon courage si vous essayez de dormir en slip avec le Velux ouvert ou la fenêtre ouverte. Ce sera notre cas dans quelques heures aussi. Bon courage à vous. Bon courage pour demain. Et puis vive la Belgique, bien sûr. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne soirée. Merci Arthur. Merci à toi. Nager dans les eaux troubles des lendemains. Tendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans la différence. chaos.